bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Diantre, aujourd'hui nous passons devant monsieur le maire, comprenez, le premier officier municipal d'une ville ou d'une commune. Le maire, celui de nos villes, de nos villages, est bien loin d'une autre vedette de l'histoire, le maire du palais, qui au Moyen-Âge était l'intendant de la maison des rois mérovingiens. Ce maire-là est le Maior Domus en latin, hein, le plus grand de la maison, maior et majeur en effet, car ce personnage est essentiel. Par sa proximité aujourd'hui avec la population, il assiste aux naissances, aux mariages, aux décès, il est toujours présent, figure paternelle. Il est monsieur le maire ou parfois madame. Mais alors, comment l'appeler? Madame le maire, madame la maire, le maire, la maire, monsieur le maire, certains disent, si, c'est horrible. Il y a bien mairesse, mais dans la subtilité toute masculine de la langue française, ce mot a désigné l'épouse du maire. Pour s'en arranger, comme bien souvent, le mot femme a été accolé. Une femme, mère. Oh là, c'est pauvre. La mère ou madame la mère est bien suffisant, car féminiser, ce n'est pas la mère à boire. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes très urbains. Oui, nous allons explorer l'histoire de nos villes. Que signifie habiter la ville? Des émissions qui peuvent être écoutées en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour avoir l'actualité de l'émission et pour échanger sur l'histoire. Le groupe Facebook, Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, la figure du maire, figure essentielle dans nos communes. Magistrat municipal dont va nous parler Emmanuel Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, directeur du Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains de l'Université Paris 1 et co-directeur de la rédaction de la revue Métropolitique. C'est quoi Emmanuel Bélanger cette revue? Alors, Métropolitique, c'est une revue pluridisciplinaire, internationale et qui agrège des chercheurs donc de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, mais également des praticiens. Donc, à l'origine de cette revue, ses fondateurs souhaitaient créer un espace de discussion des savoirs, de débat, de confrontation également avec ce que produisent les chercheurs, mais aussi les praticiens de la ville. Avec cette question essentielle à notre monde, la question urbaine. Une question urbaine que nous allons regarder pour ce qu'elle était au Moyen-Âge, avec un angle qui là aussi est essentiel, c'est la place des femmes dans la ville. L'air de la ville donnerait-il des ailes aux femmes? Avec vous, Julie Pilorget, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire médiévale. Votre thèse, femmes au travail, femmes au pouvoir, femmes en ville, l'exemple d'Amiens à la fin du Moyen-Âge. C'est sous la direction d'Elisabeth Crouzet-Pavant. Elle va être publiée, hein, votre thèse. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Et alors, vous êtes membre aussi de Mnemosyne. Qu'est-ce que c'est? Alors, Mnemosyne, c'est une association de chercheurs et chercheuses sur l'histoire des femmes et du genre qui fêtera ses 20 ans, cette année, ses 20 ans. Voilà, qui tend donc à promouvoir la recherche en histoire du genre et des femmes, mais également la conservation des archives et qui est engagée tant dans la recherche que sur le plan social. On s'est battu également pour la sauvegarde, par exemple, de la bibliothèque Marguerite Durand à Tolbiac, ou la sauvegarde des archives de l'IVG, par exemple, qui devait être détruite récemment. On sent qu'il y a toujours du travail. Sur ces questions-là, faut rester vigilant. En fin d'émission, Anaïs Quien nous rejoindra avec sous le bras son journal de l'histoire. Anaïs Quien qui assure également la programmation de cette émission. Mais pour le moment, nous allons faire un petit passage dans la commune de Verrières pour un maire de roman. Mais quel roman? Le Rouge et le Noir de Stendhal. Le Rouge et le Noir qui nous est lu ce matin en direct par Olivier Martineau. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Elle est à monsieur le maire ». Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières, qui va, en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a cent à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, Monsieur de Rênal. Monsieur de Rênal, le maire de Verrières, un homme à l'air affairé et important. Merci beaucoup Olivier Martineau pour cette lecture du Rouge et le Noir de Stendhal. Nous étions en 1830. Les maires de 1830, Emmanuel Bélanger, ne sont pas les maires que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un maire au 19e siècle dans ces années 1830? C'est un homme qui n'est pas encore élu directement, il est choisi. Oui, l'élection des maires remonte à l'adoption d'une charte, la charte municipale du 5 avril 1884, qui marque incontestablement un tournant dans l'histoire de la démocratie locale, puisque le notable, hein, qui est décrit dans le Rouge et le Noir, avec sa dignité, avec sa charge symbolique, ce notable a incontestablement une reconnaissance politique et démocratique. C'est un homme, bien sûr, jusqu'en 1945, jusqu'au municipal d'avril et mai 1945. Et c'est un homme qui, Maurice Agulon, je trouve, a une très belle expression, ce grand historien de la République, hein, lorsqu'il parle des maires, il dit que c'est une figure sympathique. Une figure sympathique de la République et l'on peut ajouter également intouchable. Intouchable puisque jamais le législateur et le technocrate n'a pu réformer la carte des communes de France par la fusion. Au contraire, il y a une résistance du fait municipal qui tient en particulier à l'enracinement de cette personnalité politique sympathique, aimée, qu'incarne le maire. C'est important ce que vous dites là, Emmanuel Bélanger, c'est-à-dire que la carte de France des communes, les 36 000 communes de France, cette carte de France reste presque immuable à part des petits ajustements. Simplement, et surtout peut-être parce que la figure du maire est essentielle, même si le maire n'est pas élu avant les années 1880, ce personnage est important, il y a une proximité à la population, le fait que ce soit le magistrat le plus proche, en fait, du peuple, crée un lien très fort. Ce lien existe avant même l'élection du maire. Oui, vous avez raison, Xavier, le maire, c'est en quelque sorte, là, en politique, la figure du quotidien. Une figure du quotidien qui exerce une médiation sociale fondamentale pour la puissance publique, pour l'État, qui ne peut se passer de témoins, d'interlocuteurs de ces territoires que sont les communes de France, et dont finalement la reconnaissance repose justement sur l'action et aussi, on le verra certainement, dans les villes du moins, la professionnalisation de ces maires qui, en quelque sorte, deviennent d'autant plus incontournables que les mondes de la ville vont profondément évoluer au cours du 19e et 20e siècle. Nous avons entendu avec Stendhal comment le maire peut être présenté comme un notable. Mais c'est très bien. À partir du moment où le maire est élu, donc nous sommes dans les années 1880, est-ce que son statut change? Qu'est-ce que ça change réellement pour lui? Alors on imagine bien hein, qu'il y a une légitimité plus forte, mais par rapport à l'attachement de la population envers le maire, il y a une vraie différence, une vraie rupture? En tout cas, à partir de l'élection du maire, incontestablement, la municipalité devient un enjeu politique. Un enjeu politique, un lieu du débat démocratique, avec l'apparition au même moment de formations politiques qui vont aussi se décliner territorialement, si j'ose dire, avec la création, par exemple, du socialisme municipal dès la fin du 19e siècle, puis au début des années 20, du communisme municipal ou du conservatisme municipal. Donc, on voit bien que se présentent aux électeurs des choix, des projections qui visent à transformer leur espace de vie, à savoir la commune. Donc, incontestablement, cette réforme de 84, elle a 1884, elle a des conséquences extrêmement importantes sur l'animation de la vie politique et sa représentation. Emmanuel Bélanger, il faut recontextualiser cette année de 1884 et cette réforme. C'est vrai que nous sommes à un moment où la République, la Troisième République, s'instaure, s'impose de plus en plus, mais ce n'est pas simple. Et justement, le fait d'élire un maire est essentiel aussi pour les Républicains pour affirmer ses valeurs de la République. Tout à fait, il s'agit d'enraciner un régime encore instable, qui a incontestablement besoin de l'appui de son Sénat et de l'appui également donc des représentants de ces territoires que sont les communes. Pour autant, on le sait, et c'est encore l'actualité récente l'a démontré, le rapport de l'État à ces territoires reste un rapport ambivalent, souvent conflictuel, souvent sous tension, car existe toujours un rapport de domination des communes, en tout cas un ressenti d'une domination qui tient justement par le contrôle qu'exerce le corps préfectoral notamment et le ministère de l'Intérieur et plus encore le ministère des Finances sur la vie municipale et les projets en quelque sorte des maires pour leurs communes. C'est vrai qu'on présente très souvent la municipalité comme étant l'échelon le plus proche de la population et des citoyens, avec différents niveaux, différentes strates. Alors le député encore échappe un peu à ça, parce qu'il y a une circonscription, mais l'État paraît lointain, le ministère paraît lointain. Cette proximité-là, quand se met en place la fonction de maire élu dans les années 1880, peut poser un problème. Emmanuel Bélanger, vous nous dites que le maire est élu pour affirmer la République, et c'est vrai qu'on comprend la démarche de la République, hein, de permettre au maire d'être élu, mais malgré tout, il y a le risque que l'on élise quelqu'un qui ne défend pas la République. C'est ce qu'expliquait Maurice Agulon, vous l'avez cité il y a quelques secondes, grand historien des maires, dans Les Chemins de la Connaissance, c'était en 1997. Il y a une chose qui n'a pas encore été dite et qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que c'est une loi républicaine, une conquête républicaine de 1882 qui fait du maire l'élu du conseil municipal. Alors, ça change beaucoup de choses quant à la présence d'opposants dans les mairies, puisque émanant du conseil municipal qui émane lui-même du suffrage universel, la République libérale, en faisant élire les maires par le suffrage universel, a en quelque sorte appelé un grand nombre de royalistes à devenir maires. Oui. Mais en même temps, ça donne à ceci une valeur symbolique beaucoup plus grande. C'est le paradoxe que relève Maurice Agulon sur la fonction du maire, qui à la fois a plus de valeur symbolique puisqu'il est élu du conseil municipal, mais à la fois peut être en opposition avec l'administration, avec les ministères, avec le monde politique. Quel rôle joue le maire dans la médiation nécessaire qu'il y a à créer entre l'État lointain, cette figure difficile à définir pour la population, et le maire local que l'on définit très bien et que les gens rencontrent au coin de la rue. Emmanuel Bélanger. Alors, le maire, comme le soulignait Maurice Agulon, est élu en 1882 et à partir de 1884, il dispose d'une charte qui codifie des prérogatives et qui va transformer radicalement le rôle social du maire qui en quelque sorte, dispose d'une compétence et bientôt d'un savoir administrer des territoires qui va, en quelque sorte, utiliser dans sa gestion au quotidien de l'administration communale. Donc, tout à l'heure, vous soulignez en quelque sorte que tous les élus n'étaient pas destinés, surtout avec un régime démocratique, à représenter les intérêts de l'État. Et c'est incontestable, surtout lorsque la République voit l'émergence de mouvements politiques, de mouvements sociaux qui contestent sa légitimité. Et incontestablement, le socialisme, les maires socialistes, les maires communistes sont porteurs d'une radicalité, d'un projet même révolutionnaire pour les élus se réclamant de l'héritage de l'Union soviétique et de la Grande Révolution. Mais pour autant, ce qui est tout à fait intéressant lorsqu'on observe la pratique municipale, c'est que l'exercice municipal change également le militant. le militant socialiste, le militant communiste, en un administrateur qui, soumis à des contraintes, les contraintes du quotidien, les contraintes financières, les contraintes liées à la délibération municipale, est obligé de composer avec un environnement qui peut lui être hostile, en vue finalement de servir les intérêts d'une classe ouvrière qui l'a nommé, élu, et qui, en quelque sorte, croit et veut croire, en tout cas, en l'action du Parti communiste, de la SFIO et d'autres mouvements se réclamant d'un idéal révolutionnaire. Oui, c'est vrai que les communes rouges ne sont pas en opposition avec l'État, c'est-à-dire que le maire peut être communiste et il a ses deux casquettes, on va dire. D'un côté, il est militant, mais il est en charge de l'administration d'une commune, de la police municipale, de l'ordre public. Et en fait, cela ne pose aucun problème en soi parce que la construction de la fonction du maire permet cette souplesse. Tout à fait. L'ordre républicain est aussi un ordre municipal. Et les maires, y compris les maires de la banlieue rouge que vous évoquiez, sont pris en quelque sorte en tenaille entre un idéal politique, un idéal militant, également des comptes qu'ils doivent rendre à l'appareil politique, et en même temps le rôle qu'ils doivent assumer et qui leur impose en quelque sorte cette médiation sociale et politique que l'on a souligné, et surtout qui leur impose de préserver la paix sociale sur leur territoire. Paix sociale qui passe aussi par, dans ces villes de tradition populaire et ouvrière, par la création, l'invention de nouveaux services et la transformation de la municipalité en un laboratoire d'intervention sociale autour des colonies, de la santé, des centres de santé et d'autres services qui vont marquer en quelque sorte l'histoire municipale de ces territoires. Et dans ces territoires, la liberté du maire est grande, il a beaucoup de souplesse face à l'État. Je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que lorsqu'on parle des libertés municipales, on les associe systématiquement au moment de la décentralisation du premier septennat de François Mitterrand, les années 1982. Alors qu'en réalité, c'est une sédimentation, cette histoire de la décentralisation. Et Maurice Aguilon le rappelait, le tournant, c'est incontestablement ce début des années 1880, où le maire est élu et dispose de prérogatives qui, en quelque sorte, lui confèrent un rôle social, un rôle politique, et des marges d'action et de reconnaissance vont, en quelque sorte, renverser ce sentiment de domination des territoires. Voilà. Mais la France, en plus, évolue à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire que les équilibres se transforment, notamment par le fait que l'exode rural renforce certaines villes, que certains maires deviennent très puissants. Le maire d'une grande commune ou d'une grande agglomération devient un personnage puissant. Comment se construit en fait cette évolution au début du XXe siècle qui conduit en fait doucement la fonction de maire qui doit gérer l'ordre public et la vie de ses concitoyens en un métier, le métier de maire? Oui. Alors vous avez raison, au cours du XXe siècle, et plus précisément à partir du début des années 30 et du recensement de 1931, pour la première fois dans l'histoire de la France contemporaine, les urbains sont majoritaires, et incontestablement, donc les équilibres se transforment, des hiérarchies dans les communes s'enracinent, avec l'apparition de métropoles, l'apparition dès le 19e siècle, qui vont incontestablement aussi transformer le rôle des maires. Et le rôle du maire des communes urbaines n'est bien sûr pas celui des villages. Et ce qui les distingue, c'est ce que vous avez souligné à l'instant, c'est que ces maires des communes urbaines vont épouser en quelque sorte un métier. Une vocation certainement aussi, mais aussi un métier. Et c'est cette évolution qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Quelle est cette figure du maire si proche de nous et à la fois essentielle et complexe? Le maire, c'est notre héros du jour. Alors, on voulait pas voir monsieur le maire, hein? Allez, pour un dire. Bonjour, monsieur le maire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Emmanuel Bélanger, vous nous avez expliqué qu'au cours du XXe siècle, le maire se professionnalise, en tout cas dans les grandes agglomérations. Une partie des maires deviennent des professionnels de cette fonction, du métier de maire. Un exemple avec le film, qui est toujours en salle, enfin Alice et le maire, un film de Nicolas Parizé et avec Fabrice Luchinet et Anaïs Desmoutiers, c'est le maire de Lyon dont il est question. Voyez, moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. Hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections. J'ai mené des équipes. J'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, hein, exactement, mais enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Nous voyons à peu près ce qu'il veut dire. C'est Fabrice Luchini dans le film Alice et le maire, Emmanuel Bélanger. Avec la professionnalisation du métier de maire, et là encore, il faut nuancer, hein, parce que ce n'est pas du tout la même situation selon qu'on se trouve dans un petit village ou une grande agglomération. Mais avec la professionnalisation, est-ce que la charge affective portée sur le personnage du maire se transforme beaucoup? C'est-à-dire, le maire reste toujours une figure importante ou elle devient un peu plus éloignée? C'est dur, hein, ça, comme question. Pour l'historien, en tout cas, d'apprécier le temps présent, c'est toujours un peu difficile parce qu'il réclame toujours un peu de distance pour pouvoir croiser ses sources, qui ne sont pas encore des sources à l'époque présente. Mais incontestablement, il y a une charge affective. Une charge affective parce que le maire incarne à la fois donc une forme d'enracinement, ce que l'on va appeler le patriotisme de clocher, cette France des 36 000 églises. Donc, il incarne des traditions, il incarne un protocole, il accompagne ses administrés dans leur quotidien, vous l'avez cité, la naissance, le mariage, les temps festifs, mais également, il est le gardien de la cohésion sociale de ces territoires et il doit faire front au temps de crise et de guerre, où bien sûr il se retrouve bien plus exposé au changement social, politique, urbain. Donc incontestablement, le maire est confronté, je dirais, ou plutôt gouverne aussi un territoire des émotions. Un territoire des émotions, et il est aux premières loges, en quelque sorte, des contestations, des mouvements d'opposition de ses administrés. Alors vous faites bien de le souligner, Emmanuel Bélanger, il y a aussi cette opposition, c'est-à-dire que dans la figure du maire, il y a l'aspect très positif avec la charge émotionnelle, mais dès lors s'il y a charge émotionnelle, il peut y avoir antipathie très forte. Les combats sont rudes dans les communes. Oui, le maire est, je dirais, aussi exposé à la caricature. On pense à cet ouvrage à succès, Clochemerle, de 1934, de Gabriel Chevalier. On peut encore penser aux caricatures de Pagnol avec son topaz, hein, qui veut souligner l'affairisme, la corruption qui travaille les milieux municipaux. On peut encore penser, plus proche de nous, à Duvivier, hein, et son film sur le prêtre et le maire qui s'affrontent au début des années 50, donc Camillo. Mais bien sûr, ces caricatures, elles partent d'un réel. Et ce réel, c'est au-delà de la charge affective, c'est quand même les attentes très fortes que le maire doit assumer. Et d'ailleurs, ces attentes sont parfois beaucoup trop fortes et certains maires jettent l'éponge tellement les attentes sont fortes. Ils ne jettent pas l'éponge parce que c'est trop dur. Ils jettent l'éponge pour tirer le signal d'alarme. C'est le cas de Stéphane Gatignon, interviewé par Le Parisien en mars 2018. J'ai eu des moments forts pendant ces 17 ans pour essayer de faire bouger les lignes, y compris au niveau gouvernemental, pour qu'on regarde différemment la banlieue, qu'on se rende compte que la banlieue, pour les gouvernants, pour la bureaucratie, pour l'État, c'est le lieu où justement c'est jeune, c'est cosmopolite, ça bouge, c'est le nouveau monde qui doit se déployer et qu'il faut aider, pas seulement en termes financiers, même si ça manque, mais qu'on ait aussi le droit commun, enfin qu'on arrive à avancer. Et je remarque une chose, c'est que depuis 17 ans, il y a eu des hauts, des bas, et qu'aujourd'hui, voilà, il y a un problème, c'est que, enfin, le gouvernement, en tout cas, n'apporte pas de réponse et regarde de loin ce qui se passe en banlieue. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Et quelque part, je l'avais dit pendant ma grève de la faim, je fais la grève de la faim, qui est un geste dur, ultime, par rapport aux finances locales, par rapport au fait qu'on était des villes qui allaient crever, et ça nous a permis de survivre, hein, quand même, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. C'est que j'y croyais encore. Aujourd'hui, j'avais dit, quand j'y croirais plus, je lâcherais, quoi. Et on est à ce moment-là. Stéphane Gatignon, oui. Maire de Sevran, qui, en 2018, explique que la fonction de maire est difficile à tenir. Emmanuel Bélanger, vous étudiez la fonction de maire depuis le moment où le maire est élu, et même plus long encore. Donc, depuis plus d'un siècle que le maire est élu, est-ce qu'aujourd'hui nous assistons à une crise de cette fonction de maire ? Alors le témoignage de Stéphane Gatignon est important parce que il rappelle à la fois les attentes, vous l'avez dit, des maires, mais également les limites de leur action. Et des limites qui sont d'autant plus fortes lorsque ces maires sont appelés à gouverner des territoires qui sont travaillés par les inégalités sociales et territoriales. Et donc la démission de Stéphane Gatignon, c'est aussi en quelque sorte la dénonciation de cet enracinement de ce qu'on a pu appeler la crise des banlieues. Et lorsqu'on est maire en quelque sorte des communes les plus pauvres de France, on est bien sûr les plus exposés au quotidien à ces inégalités et surtout aux différences, et plus que les différences, je dirais aux oppositions entre un discours bienveillant de l'État à l'égard de ce pouvoir municipal dont il ne peut se passer, et en même temps la tutelle qu'il exerce au quotidien sur les actions de ce même pouvoir municipal, qui reste très limité. Donc l'enjeu, bien sûr, c'est, incontestablement, c'est aussi le soutien que la puissance publique doit apporter à ses élus, qui sont souvent les derniers recours, les derniers relais dans des territoires qui ont pu être décrits comme abandonnés par la République. Et un contraste saisissant entre l'affect porté au maire, enfin ce personnage figure proche et qui lui-même est proche de sa population, et ce sentiment d'être abandonné par l'État qui paraît d'un coup très lointain. Est-ce que vous pensez que, et là on a écouté l'exemple de Stéphane Gatignon, mais il y a d'autres maires qui vivent la même chose, est-ce que vous pensez que la souffrance de certains maires, la souffrance des maires, s'explique justement parce que eux ont une vraie proximité, ou en tout cas ont développé un attachement particulier à la population? La figure du maire s'est construite ainsi, et donc la douleur, la difficulté est d'autant plus forte. Alors, oui et non. Le maire, bien sûr, est aux premières loges pour apprécier les tensions qui travaillent son territoire. Mais en même temps, le maire ne représente pas, et de moins en moins, la sociologie du corps électoral et du corps social de sa ville. Incontestablement, autour de la professionnalisation du monde des mairies, autour de l'invention aussi du corporatisme municipal, hein, le maire, c'est aussi, oserais-je dire, embourgeoisé, en tout cas, y compris dans les communes populaires, ce n'est plus l'ouvrier qui va être désigné et élu à la tête d'une commune populaire. Donc on a incontestablement, dans ce changement de la sociologie municipale, de la sociologie des maires, aussi une transformation de la représentation et de la démocratie locale. Une démocratie locale qui n'est plus à l'image du corps social des villes, et en particulier des villes populaires. Ce sont les transformations de la société qui expliquent aussi ces problèmes de la figure du maire. Le maire et sa charge municipale, peut-être que la charge est un peu trop lourde. Emmanuel Bélanger, nous allons continuer à réfléchir sur ce corps social porté par le maire. Alors vous allez voir, c'est un corps social d'une autre ville, c'est la ville médiévale, que nous allons introduire. Et ça, j'adore ces moments-là. Vous voulez ouïr les cris de Paris, mais nous sommes au XVIe siècle avec Clément Jeannequin. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les cris de Paris. Vous les ouïrs, les cris de Paris, une chanson de Clément Jeannequin. Nous étions au XVIe siècle dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Oui, ces cris de Paris au XVIe siècle sont intéressants parce que nous entendons des cris d'hommes, des cris de femmes. Et ce qui va nous intéresser là, maintenant, précisément, c'est la place de la femme dans les villes médiévales, la place de la femme habiter la ville. Julie Pilorget, vous avez étudié les femmes dans la ville médiévale. Vous êtes intéressée particulièrement à Amiens, la ville d'Amiens. Était-ce une surprise, en allant dans les archives, en fouillant, en trouvant, de constater la place essentielle des femmes dans la ville médiévale? Vous vous en doutiez, mais dans les archives, ça transparaît nettement. Alors, on s'en doutait, c'était un peu un pari également, je pense, à la base avec ma directrice, puisque il y avait un fonds d'archives donc très riche à Amiens. Mais c'est vrai que j'ai eu des remarques au début de ma thèse de certains chercheurs qui doutaient très clairement de ma capacité, enfin de la capacité des sources surtout, donc à faire ressortir la place des femmes dans la ville. Alors, il faut aussi en fait lire les sources avec un nouveau regard. Il faut comprendre pendant qu'on peut ne pas voir la place des femmes dans les sources, ne serait-ce que parce que la langue est différente. Je me suis intéressée donc à la ville d'Amiens, qui est une ville de frontière au nord du royaume et on va dire aux confins des influences donc françaises, anglaises et bourguignonnes. Et la langue utilisée dans les sources aminoises est le picard. Le picard utilise le « lui », par exemple, pour parler des hommes et des femmes. Et certains prénoms sont épicènes. Donc, vous pouvez, par exemple, trouver dans une source « à lui, Jacques, donner 5 sous, boulangère ». Ah oui. S'il n'est pas précisé que Jacques est boulangère, on le devine pas tout de suite. Donc ça a été quand même un vrai travail de réinterroger ses sources, d'interroger la langue. C'est aussi donc une lecture extensive, hein, véritablement des sources urbaines. Et donc je me suis essentiellement attelée à la lecture donc des ordonnances de la ville d'Amiens, des registres de délibération qui contiennent donc toutes les demandes formulées par les habitants à la ville, les comptes de la ville qui rétribuent donc souvent des femmes pour leur service rendu à la ville, également donc les contrats passés entre particuliers devant la ville et enfin les coutumes. Et là, on voit apparaître les femmes très présentes. Alors, elles sont très présentes dans le monde du travail. Vous expliquez, Julie Pilorget, qu'il n'y a pas de partage de travail entre les hommes et les femmes tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire des métiers destinés aux femmes, des métiers pour les hommes. La situation est beaucoup plus complexe et imbriquée. Tout à fait. Il faut vraiment en finir. Ça fait à un certain moment, mais avec une idée d'un espace qui serait masculin, productif et public, que l'on opposerait à un espace domestique, féminin, de reproduction. En réalité, la ville médiévale fonctionne tout à fait différemment, ne serait-ce que parce que c'est une ville de contact. Hein, le cœur de l'économie, c'est l'atelier, hein, c'est la maison-atelier. Et donc, la femme étant présente dans cet espace domestique, qui est également un espace de production, participe de fait à l'économie médiévale. Par ailleurs, en Picardie, on a la particularité d'avoir une coutume très égalitaire qui établit en fait que la femme possède la moitié des biens du ménage. C'est-à-dire qu'on a une communauté de biens entre époux. Et cette communauté de biens, qui d'ailleurs octroie de nombreux droits à la veuve, font des femmes des actrices vraiment à part entière dans la société. Alors, on les retrouve forcément majoritairement dans un premier temps dans le secteur du textile. Mais il est intéressant de constater que dans certaines industries, notamment la sétrie, qui est une industrie de gros draps qui apparaît à Amiens à la fin du Moyen-Âge, il y a des femmes qui ont le statut de maîtresse. Alors, la maîtresse n'étant pas ici seulement la femme du maître, hein, mais vraiment une maîtresse au sens plein du terme. Et on voit même certains hommes se mettre en apprentissage sous la direction de leur femme. On a également beaucoup de jeunes filles qui apprennent à la fin du 15e ce métier. On trouve également beaucoup de femmes dans le secteur de l'alimentation, dans des secteurs alors traditionnels comme celui de la vente donc des fruits et des légumes, mais aussi parfois dans la boucherie. Alors bien sûr, elles ne sont pas à l'abattage ni au découpage de la viande, mais peut-être dans la revente des produits de la boucherie. Et surtout, on peut les trouver dans les métiers du bâtiment. J'ai remarqué la présence de nombreuses femmes qui étaient employées en fait au moment de la reconstruction des remparts. Faut pas oublier qu'à la fin du Moyen-Âge et donc au nord du Royaume de France, on est en pleine guerre de 100 ans et à un moment où les besoins sont très importants pour renforcer et consolider les remparts, bien on va utiliser toute la main-d'œuvre disponible. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'on est dans des sociétés qui font feu de tout bois ou de toute main-d'œuvre, si j'ose dire. On est dans des sociétés, en tout cas pour Amiens, donc c'est une ville capitale régionale du nord de l'Europe, et on va chercher à faire avec toute la main-d'œuvre disponible. À partir du moment où on ne recherche pas tant la qualité que la quantité, puisque l'économie aménoise n'est pas une économie de luxe, hein, c'est plutôt du commerce on va dire quotidien. Eh bien, on n'instaure pas encore de différence entre les travailleurs tels qu'on le fera par la suite. Julie Pilorget, à ce moment précis dans l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes à la fin du Moyen Âge, nous sommes à Amiens, et vous nous dites clairement, mais non, la femme n'est pas soumise à l'homme tel que on l'imagine à travers l'histoire. C'est vrai que c'est souvent le cliché hein, que l'on a au Moyen Âge, la femme soumise, la femme au couvent, la femme au foyer. Pas du tout, vous nous dites, il y a des femmes chefs d'entreprise. Regardez pour les finances du ménage, la femme peut gérer son argent, l'homme peut gérer son argent. C'est un vrai cliché à casser. C'est un cliché qui existe après, c'est-à-dire c'est une réalité après, mais au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, ce n'est pas encore le cas. On peut parler déjà d'une indépendance féminine. Peut-être la ville va donner aux femmes plus d'indépendance qu'ailleurs, qu'à la campagne. La ville permet aux femmes de s'émanciper au Moyen-Âge? Je pense. Alors, il faut rester prudent. Moi, je parle déjà du nord de l'Europe essentiellement, parce qu'on a un système assez différent au sud de l'Europe. Il faut comprendre que là, on est sur un territoire de coutume où il n'y a pas de loi écrite, ce qui, je pense, est très important pour comprendre aussi les libertés que cela octroie aux femmes, en fait, leur liberté pour elles également de jouer avec ces différents systèmes de droit. Et par ailleurs, oui, on a un renouveau urbain, donc à la fin du Moyen-Âge, à partir des 12e, 13e siècles, qui va de pair avec une croissance démographique et économique. Alors, qui de l'œuf ou de la poule a créé l'un ou l'autre, on ne peut pas savoir, mais il est certain, enfin je pense en tout cas, que c'est ce renouveau des villes et ce renouveau économique avec l'essor des métiers jurés, j'utilise l'expression à propos, puisque le terme de corporation est en fait anachronique, hein, et correspond plutôt plus à une réalité de la période moderne. Qu'est-ce qu'un métier juré ? Alors c'est un métier organisé. Voilà, c'est l'ancêtre des corporations. Donc un métier organisé où, on va voir que les femmes vont pouvoir trouver une certaine place donc dans ces métiers et en tout cas expérimenter peut-être une nouvelle forme d'organisation du travail différente de celle qui leur a été proposée à la campagne. Oui, vous parlez justement qu'il n'y a pas d'opposition de genre, de complémentarité entre les hommes et les femmes dans la ville, ce qui va pas pour tous les métiers. Vous l'avez évoqué par exemple pour la boucherie, c'est vrai que la découpe va être plutôt un travail d'homme. Voilà, il reste une certaine forme de division du travail, mais on va dire aux frontières beaucoup plus mouvantes et poreuse que ce qu'on a longtemps imaginé. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de dire que moi je me refuse à parler par exemple d'un féminisme au Moyen-Âge comme parfois on l'entend. Non, Christine de Pizan n'était pas féministe. On reste dans un système quand même où le chef de famille c'est l'homme, mais il y a vraiment cette idée d'une société très pratique, c'est-à-dire qu'on fait avec un état des lieux, et donc quand l'homme décède, on peut avoir des femmes qui sont chefs de feu, qui apparaissent dans les listes d'imposition, et qui sont pas forcément au bas des listes d'imposition, qui agissent vraiment comme des femmes indépendantes. La coutume picarde permet également aux femmes, à certaines femmes, d'être marchandes publiques, c'est-à-dire d'établir un commerce séparé de celui de leur mari, d'être responsable sur leurs propres biens, c'est-à-dire de leurs propres dettes, sans que leur mari ait à répondre d'elles. Après, il ne s'agit pas de généraliser tout cela, mais de dire que ça existait, que les choses sont beaucoup moins figées qu'on a longtemps pensé, et qu'effectivement, un changement, par contre, apparaît à l'aune des temps modernes, au cours du XVIe siècle, avec, enfin, sous l'effet de plusieurs causes, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord un renforcement des corps de métier, des corporations, avec une fermeture des corporations qui vont d'abord exclure les femmes. Il y a aussi l'effet de la réforme, la contre-réforme catholique en réponse à la réforme protestante qui va rappeler que le rôle des femmes est au foyer. Et enfin, la mise par écrit du droit et la masculinisation de la langue française qui va aussi probablement leur faire défaut. Eh bien voilà, c'est vrai qu'on a l'idée qu'au Moyen-Âge, une femme un peu indépendante est tout de suite considérée comme une sorcière. Mais non, pas du tout, pas du tout. Bah tiens, justement, nous allons écouter un extrait du film Le Moine et la sorcière, un film de Suzanne Schiffman en 1987. Le bailli m'envoie vous dire que désormais le domaine vous appartient. Je ne peux posséder de terre, Siméon. Dis au bailli que j'en ferai don à l'ordre de Saint-Dominique. C'est ce que nous avons pensé. Votre vœu est de pauvreté. C'est un vœu auquel il est facile d'être fidèle. Cet enfant vient me parler, laisse-moi. Laisse-moi, Siméon. Non, maître. Elle ne peut pas vous parler, elle est maître. Agnès vivait chez ses grands-parents, mais ils sont morts. J'ai pensé qu'elle serait plus en sécurité dans un couvent que sur votre fief. L'Église sera un bon maître, Siméon. Pas tant que nous aurons le même bailli. Quand j'aurai terminé ma tâche ici, je l'emmènerai au couvent avec moi. Si vous le permettez, j'attendrai pour vous accompagner tous les deux. Regardez. C'est ainsi qu'elle prie. Quand nous préparions cette émission, Julie Pilorget, vous avez dit, mais s'il y a un film qu'il faut voir, c'est Le Moine et la sorcière de Suzanne Schiffman, sorti en 1987, alors que nous nous intéressons à la place des femmes dans la ville. Mais pourquoi ce film? Alors, il ne parle pas forcément des femmes dans la ville, mais en tout cas, il explique bien la situation des femmes à cette époque. Les préjugés qui peuvent reposer à leur rencontre de la part de l'Église, mais aussi en fait la réalité, la place qu'elles ont dans la société. Et moi, ce film m'intéresse particulièrement pour la place de la guérisseuse dans le film. Il y a une très belle performance des acteurs, et par ailleurs, il se base sur un récit historique, un manuel d'inquisiteur. Et donc, on voit très bien, en fait, la focalisation sur la figure, donc, de la femme guérisseuse qui se produit à la fin du Moyen-Âge, ce qui amènera par la suite à l'époque moderne, ce qui pose les bases plutôt de la figure de la sorcière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, en fait, la sorcière n'est pas tant une figure médiévale que une figure de l'époque moderne, et en fait, le fruit de l'inquisition qui naît au Moyen-Âge, mais qui se renforce par la suite. Oui, il faut le dire et le redire, celui qui brûle les sorcières, c'est plutôt Louis XIV que le roi du Moyen-Âge. En tout cas, voilà, et au Moyen-Âge, les femmes ont aussi une grande place dans le domaine des soins. C'est ça, en fait, dont parle aussi le film. Et c'est une place aussi qui est très, très importante en termes de sociabilité dans la ville médiévale. La sage-femme, la figure de la sage-femme est essentielle. Julie Pilorget, on sent qu'il y a une rupture évidente à la Renaissance pour la place de la femme. C'est incroyable d'ailleurs de regarder comment à ce moment-là, la femme se voit dépossédée en fait d'une certaine capacité à agir. Nous parlons de la ville, à l'intérieur de la ville, notamment par, je lisais ça, elle perd son nom. Une femme, même mariée, pouvait conserver son nom. Oui. Au Moyen-Âge, on a souvent, la femme garde le nom de son père. En réalité, prend pas forcément celui de son mari. Alors justement, je trouve que c'est assez intéressant. Je pense qu'il faut réinterroger ne serait-ce que le chrononyme, le terme de Renaissance, qui en fait est propre au domaine de l'art. D'ailleurs, voilà, est-ce qu'on peut parler de Renaissance pour les femmes? Pas forcément. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on appelle la Renaissance, c'est très compliqué. Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est qu'il y a en fait pour moi une désinstitutionnalisation de la place des femmes à l'époque moderne. Je suis toujours pour la nuance, et parler de rupture concrète et de renfermement, c'est trop fort. Enfin, ça s'est pas passé comme ça. Les femmes ont continué de travailler. Elles ont pas attendu la guerre de 14 pour travailler. Elles ont pas arrêté non plus entre le Moyen-Âge et la guerre de 14. Seulement, on a cessé de le reconnaître. Probablement, elles ont perdu une reconnaissance tant salariale que de statut. Ce que vous venez de dire, Julie Pilorget, est important parce que nous avons tous dans cette histoire l'image d'une femme qui se met à travailler à partir de la guerre de 14, qui est un énorme cliché. Et vous avez raison de souligner que les ruptures historiques ne changent pas le quotidien des gens. Exactement. Si une femme travaille, c'est pas parce que c'est la Renaissance, un beau matin qu'on arrête de travailler. C'est simplement la perception, en fait, du regard qui a changé pendant plusieurs siècles, on va dire du 16e au 20e siècle. On ne voit plus les femmes travailler. C'est ça. Et et puis enfin les historiens aussi qui ont forgé même le terme de Moyen-Âge, hein, donc, clairement, donc déjà on biaisait une certaine lecture de, enfin voilà, on biaisait la lecture de cette époque, et par ailleurs n'était, enfin l'histoire du genre naît, l'histoire des femmes même avant l'histoire du genre naît seule, arrive dans les années 60-70, et voilà, il faut accepter, voilà, de porter un nouveau regard sur les sources. Julie Pilorget, votre thèse s'intitule Femmes au travail, mais il y a femmes. Alors le titre a changé depuis, c'est Des femmes en ville. Des femmes en ville, qui est voilà. Un titre plus large, mais vous aviez choisi Femmes au pouvoir. Alors là, c'est la question. Alors, on n'a pas regardé dans le titre, mais de fait, je me suis quand même penchée sur la question des figures d'honneur et donc des femmes d'honneur, parce qu'il y a plusieurs épithètes qui leur sont accordées. On a des mairesses, des baillesses au Moyen Âge. On a des femmes qui ont des offices, c'est-à-dire des charges municipales d'importance comme la mesure du sel au Moyen Âge. Malheureusement, on dispose souvent de très très peu d'informations à leur sujet. C'est parfois une ou deux lignes qui mentionnent justement cet office ou ce qualificatif, mais on sait en tout cas que, dans les milieux aristocratiques aussi, que certaines femmes ont pu occuper des postes de pouvoir, mais là on sort des milieux populaires que je connais bien, et on pense aux régentes ou aux lieutenances qui ont été très bien étudiées aussi. C'est très beau cette expression, ces femmes d'honneur, enfin voilà, oui. Qui ont un caractère. Mais vous savez, Julie Pilorget, dans le cours de l'histoire, s'il n'y a qu'une femme d'honneur pour nous, elle s'appelle Anaïs Quien, car c'est l'heure du journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, c'est un sujet qui nous passionne parce qu'il nous emmène vers l'héroïque fantasy, quand cette héroïque fantasy rattrape l'histoire, en l'occurrence l'histoire des États-Unis, grâce au Watchmen. J'imagine que le moment est venu. Watchmen. L'un des nôtres a été tué cette nuit. Quelqu'un sait pourquoi. C'est le retour des Watchmen, mais cette fois-ci sous la forme d'une série qui reprend l'intrigue après l'époque décrite dans le film sorti en 2009, dont vous vous souvenez peut-être. Les Watchmen, c'est un comic book, un roman graphique imaginé par Alan Moore, le célèbre auteur de V pour Vendetta ou encore de Fromel entre autres, et Dave Gibbons. Tous deux réinventent des super-héros dépressifs et englués dans la misère humaine. Docteur Manhattan, cette fois le seul à posséder des pouvoirs exceptionnels, s'est exilé sur Mars et n'est plus qu'un souvenir, tandis qu'Angela, la nouvelle héroïne de la bande, fait mine de diriger une pâtisserie quand elle ne revêt pas son masque de justicière. Dans les albums et le film, les Watchmen offraient la victoire aux États-Unis dans leur guerre au Vietnam. À la solde de Dixon, l'un d'eux assassinait Kennedy. Moore et Gibbons nous offraient une folle alternative à l'histoire. Cette fois encore, les Watchmen explorent les possibles avec comme fil rouge celui qui hante les protagonistes, un événement historique bien réel puisqu'il s'agit du plus grand massacre racial de l'histoire américaine, perpétré à Tulsa en 1921. We gotta go now. Come on. I get your thumb out your mouth, boy. Obi, come on. We gotta go. Be strong. Des habitants qui fuient les tirs et les bombes incendiaires, des cadavres abandonnés dans les rues, la scène d'ouverture de la série Watchmen a tout de la mise en scène choc d'un scénario hollywoodien. Mais les faits sont bien réels et ont largement été racontés, même s'ils ne figurent pas dans les manuels d'histoire américaine. Le 30 juin 1921, à Tulsa, une émeute de blancs protestant contre l'agression d'une jeune femme dans un ascenseur, jamais avérée, se transforme en massacre dans le quartier de Greenwood, le quartier noir le plus prospère des États-Unis, à l'époque, baptisé le Wall Street Noir. Les commerces et entreprises y sont florissants et dérangent les partisans d'une Amérique blanche qui souhaitent voir reléguer les Africains-Américains aux marges de la ville et de la société en général. Soutenus par les forces de l'ordre, le Ku Klux Klan et les autorités municipales, 1500 brutes détruisent les boutiques et les habitations, incendiées et bombardées depuis les airs. Le quartier disparaît dans les flammes et 10 000 habitants se retrouvent sans logement. Well, it looks like you got things under control here. Cool costume. Thanks. Épisode tragique et inédit dans le niveau de violence et de destruction atteint ce jour-là, le massacre de Tulsa est pourtant enterré pendant presque un siècle, malgré les nombreux témoignages d'indignation, les plaintes et demandes de réparation des victimes et de leurs descendants, et l'enquête d'une commission dont le rapport en 2001 a immédiatement été rangé dans un tiroir pour y être oublié. Jusqu'en 2018, lorsque le maire de Tulsa commande des fouilles prospectives qui mettent à jour de nombreux charniers. Une enquête criminelle a été ouverte depuis et des sondages sont en cours avant d'opérer les exhumations nécessaires à la constitution du dossier. Damon Lindelof, le créateur de la série, a choisi de planter le décor des nouvelles aventures des Watchmen à Tulsa dans les replis de cette mémoire enfouie, en écho au dynamisme retrouvé des mouvements suprémacistes américains. L'héroïne est une femme dont le déguisement rappelle davantage les servantes écarlates de Margaret Atwood que les Barbarella de la BD originelle, tandis que les méchants se font appeler la 7e cavalerie, fidèle à l'imagerie chevaleresque nauséabonde du Ku Klux Klan. La question raciale est au cœur des préoccupations américaines, régulièrement ravivées par son président, et c'est à cet endroit de la conscience américaine que la série doit gratter. Et ça gratte. Merci beaucoup Anaïs. Les Watchmen pour les spectateurs français, c'est sur OC City tous les lundis soirs. Tous les liens, notamment une petite revue de presse des articles parus dans la presse américaine sur ce sujet, sont à retrouver sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Avec Anaïs, nous parlions à l'instant, nous entendions évoquer comment la ville pouvait montrer toutes les tensions de l'ensemble d'une société. Est-ce que vous pensez, alors vous, Julie Pilorget, vous avez étudié la ville au Moyen-Âge, que cette ville reflète toutes les tensions ou elle est un espace vraiment à part, notamment pour la place des femmes? Non, je pense que ça reste. Enfin, elle met en contact tellement de populations que oui, on voit justement tous les niveaux sociaux cohabiter. Et puis la question de la violence s'observe très bien en ville. La violence s'observe très bien en ville. Et vous, Emmanuel Bélanger, en étudiant la place des maires, vous êtes face à celui qui est confronté à la violence du quotidien. Oui, mais aussi des maires qui cherchent à se préserver de cette violence en créant un entre-soi sociologique, résidentiel, des formes de nouveaux ghettos, d'ailleurs je dis nouveaux mais qui souvent ont une longue histoire, où on cherche toujours à se préserver de l'extérieur ou du moins à se préserver de celui qui est différent. Se préserver de celui qui est différent, qui est la chose à éviter au maximum. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, merci à vous tous les deux, Julie Pilorget et Emmanuel Bélanger, pour ces regards portés sur la ville à quelques siècles d'écart. C'était dans Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Vous pouvez réécouter ces émissions sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, ou bien les podcaster, ou bien nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, ou bien faire tout ça d'un seul coup en même temps. Demain, de pierre et d'os, la matière de nos villes. Et oui, nos villes ne sont pas simplement des amas de pierre. D'ailleurs, elles ne sont pas toujours en pierre. Demain, nous continuons à explorer la ville.